Je déboule à vive allure. Pas le temps de freiner, c'est pas grave. Après tout, je suis pas un compte passant. Dans ma grosse berline allemande, je crains rien. Mais après, c'est triste si toi t'en as pas les moyens. Moi j'ai une bonne voiture. Et après, les radars, c'est juste fait pour piquer notre argent. Moi je suis un très bon pilote. Pas de risque, j'écrase quelqu'un. Dans les villages, roule à 110. Mais c'est pas grave, c'est en ligne droite. Les mamies, rien à foutre. Dégagé, je fonce, je fonce. J'ai jamais eu d'accident mortel et c'est pas aujourd'hui que ça m'arrivera.